Oh non! Votre ventre devient plus gros de jour en jour, de jour en jour. Vous donneriez quoi pour un corps parfait? Parfait, parfait. Ah, je donnerais tout, tout, tout, tout, tout. Je n'arrive pas à perdre mon ventre. Je donne n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. $1 million, $1 million, $1 million, $1 million, $1 million. Maintenant, pour la première fois, j'ai la plaquette de chocolat. Allez, venez. Ta gueule.